En 1837, après 27 ans de vie, à moitié payée par la famille Hulot et par son oncle Fischer, la cousine Bette, résignée à ne rien être, se laissait traiter sans façon. Elle se refusait elle-même à venir au grand dîner en préférant l'intimité qui lui permettait d'avoir sa valeur et d'éviter des souffrances d'amour-propre. Partout, chez le général Hulot, chez Crevel, chez le jeune Hulot, chez Rivet, successeur des Ponce, avec qui elle s'était raccommodée et qui l'a fêté, chez la baronne, elle semblait être de la maison. Enfin, partout, elle savait amadouer les domestiques en leur payant de petits pourboires de temps en temps, en causant avec eux pendant quelques instants avant d'entrer au salon. Cette familiarité par laquelle elle se mettait franchement au niveau des gens lui conciliait leur bienveillance subalterne, très essentielle aux parasites. « C'est une bonne et brave fille », était le mot de tout le monde sur elle. Sa complaisance sans bornes, quand on ne l'exigeait pas, était d'ailleurs, ainsi que sa fausse bonhomie, une nécessité de sa position. Elle avait fini par comprendre la vie en se voyant à la merci de tout le monde. Et, voulant plaire à tout le monde, elle riait avec les jeunes gens à qui elle était sympathique par une espèce de patelinage qui les séduit toujours. Elle devinait et épousait leurs désirs. Elle se rendait leur interprète. Elle leur paraissait être une bonne confidence, car elle n'avait pas le droit de les gronder.